bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Votre voix sera saine et vous chanterez à la ronde. Nique, nique, nique, nique, en ballon dans le monde en voyage. Istanbul, la Persée, oh, oui. Vers de nouveaux rivages. Venez, venez vous balader. Nique, pique, nique, pique, nique, pique, en ballon. Bienvenue dans le Lobster 152.0. Et ce soir, pourquoi on commence avec la chanson de Nick Pick? Nick Pick, c'était quoi? Ben, c'était des bonhommes que j'écoutais quand j'étais jeune. C'était deux petites marionnettes souris qui se promenaient en ballon, puis quand ils atterrissaient, ils leur arrivaient des aventures. Puis ce soir, je revenais de travailler de la ville, et j'étais arrêté chez Renaissance. Puis comme je vous ai dit la semaine passée, ou dans le dernier Lobster, j'ai fait le ménage de mon garage, puis là, j'ai été recherché au cabanon mon vieux tourne-disque puis mes vieux disques. Donc, quand j'arrête chez Renaissance, il y a plein de disques. Et ce soir, j'ai trouvé le disque de Nick et Pick. Donc, évidemment, je l'ai acheté là, pour 1,50. Dès que c'est des disques, c'est des souvenirs de mon enfance, eh bien, je les achète juste pour avoir la copie, le dessus du disque, juste la couverture. Déjà là, je suis content, là, c'est de voir les vieilles marionnettes. Mais là, en plus, évidemment, j'ai le disque. Puis en plus, eh bien, ces disques-là ne se trouvent même pas sur YouTube. Ils n'ont pas été enregistrés. En tout cas, j'ai cherché tantôt. J'aurais aimé ça de vous faire jouer un enregistrement de qualité des histoires. Sur mon disque, il y a deux histoires. Il y a la princesse Draguelon et de l'autre côté, phase 2, il y a l'Arche de Noé. Donc, je vais les écouter, moi, cette semaine. J'ai commencé à écouter tantôt, juste pour le plaisir, là, pour voir si le disque sautait. Mais non, le disque avait l'air bien correct. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est un épisode musical ce soir parce que, évidemment, je suis tombé dans la musique. Je voulais parler de disques vinyles, puis finalement, bon, ça s'est pas passé comme ça. J'ai écouté mes trois disques que j'avais achetés. Ben, juste un petit peu, là, j'ai écouté Nick et Pick. Le deuxième que j'ai acheté, ça, c'est... comment? C'est Titoto. Puis sur le disque, c'est juste écrit Titoto. Puis là, il y a une photo de Gilles Latulippe déguisé en clown. Puis là, c'est lui, il raconte des histoires. Ça, j'ai enregistré tantôt la première histoire là, de Titoto. Il s'en va à la pêche avec quelqu'un qui lui raconte une histoire où il attrape un poisson barbu. Je vous le ferai jouer en fin de Lobster. L'enregistrement est... Bon, ça sonne un peu la cacane parce que c'est quand même en mono. Mais c'est pas si pire quand même. On l'écoutera à la fin du Lobster. Puis le troisième disque que j'avais acheté, c'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle Les Trois Cloches. C'est un disque qui est en hommage à Télémétropole. J'imagine qu'il y avait une émission dans le temps à Télémétropole, qui est l'ancien Radio-Canada. Puis cette émission-là, Les Trois Cloches, il y avait quatre personnes dedans. Là, je me disais pourquoi tout dire Les Trois Cloches, mais Les Trois Cloches, c'est parce que c'est des cloches là, qui font du bruit. C'est pas des cloches, là, des idiots, là. Donc, les quatre personnes qui étaient là-dedans, il y avait Paul Berval, j'y vais de mémoire, Paul Berval et Roméo Pérus. Puis les deux autres sont pas connus, c'est une dizaine, mais c'est les deux plus connus. Puis évidemment, là, ils se mettent à raconter des blagues. Ils sont au cabaret Fernand Gignac, puis là, ils font des blagues là-dedans. Donc, j'ai acheté ces trois disques-là, ça m'a coûté 4,50. Puis là, en rentrant dans la maison, je me suis mis à fouiller dans la musique justement pour retrouver une qualité meilleure de ces disques-là sur YouTube, mais je ne les ai pas trouvés. Donc, trois disques uniques que je vais pouvoir écouter au garage. Puis là, de fil en aiguille, finalement, je me suis mis à... J'ai terminé dans Suno, là, que je vous parle souvent. Et dans Suno, ce soir, je me suis mis à chercher, parce que là, il rajoute toujours des fonctions. La dernière fois, je vous ai parlé des fonctions pour explorer les chansons. Puis là, ce soir, en regardant plus amplement, j'ai vu qu'on pouvait faire des searches aussi, de faire des recherches. Peut-être qu'il était là la dernière fois, là, dans version 3.5, mais bon, je ne sais pas si je l'avais remarqué. Puis là, je me suis mis à chercher. J'ai dit, ah, pourquoi je cherche pas s'il n'y a pas une chanson à mon nom? Parce que là, moi, j'en fais des chansons pour faire des blagues, mais je vais regarder si les autres en font. Puis s'il y a des chansons qui se nomment Fred. Puis là, j'en ai trouvé plein. Puis là, après ça, de fil en aiguille, j'ai cherché mes parents, j'ai cherché mon frère, j'ai cherché mes amis. J'ai cherché les... là, à la fin, j'étais rendu que je cherchais les personnes qui sont abonnées au Lobster sur la page Facebook. Puis là, j'ai regardé le dernier abonné qui s'est abonné il y a 6 jours, il s'appelle Nicolas Bernard. Donc, Nicolas, j'ai trouvé ta chanson sur Suno. Donc, on va commencer peut-être pas par la tienne, on va commencer par la mienne. Puis là, de fil en fait, là, je les ai classés. Ils sont dans une playlist que j'ai mis, puis ils sont dans l'ordre où je les ai écoutés. Là. C'est ça combien? Ouais. On commence avec Fred. Donc, la première chanson que je vais vous faire écouter, c'est une chanson qui a été écrite, je crois, par une femme, ou peut-être un homme, qui écrit à son Fred. Donc, j'étais content quand j'ai entendu ça. Donc, on l'écoute. C'est une chanson qui s'appelle « Fred, my Fred ». Le style de la chanson, c'est du atmospheric, synth, dark, synthwave, female singer, groovy, intense. Donc, on écoute Fred, my Fred, une chanson que quelqu'un a écrite pour moi. Fred, my dear Fred, longing for the times we had, sunsets bright we miss so bad, oh so bad. Fred, que c'est beau, une belle chanson. Elle dure encore 2 minutes environ, mais bon, on a d'autres à écouter. La prochaine, elle se nomme Fred 8, et dans celle-là, on parle de Fred 7 tout le long, donc un mismatch avec le nom. Mais bon, Fred 7, une chanson Rhythm Man Blues. Celle-là, c'est beau, on l'écoute. Bon, je vous le rappelle, le site Suno, S-U-N-O.com, c'est un site où l'intelligence artificielle là, nous permet de créer nous-mêmes nos chansons en mettant nous-mêmes des paroles et en choisissant un style. Donc, c'est ça qu'on écoute en ce moment. La prochaine que j'ai choisie, celle-là, bon, elle parle encore de moi, mais cette fois, je l'ai gardée parce que ça parle de Fred, mon ami, le serpent. C'est quelqu'un qui a écrit une chanson pour son serpent qui s'appelle Fred. Donc, on l'écoute. Bon, tenez-vous pas, là, on écoute encore 2-3 à mon nom, mais après, on change. Puis après, ce qui est le fun, c'est que, bon, il y en a dans d'autres langues, puis le beat est bon. Fait que je les ai choisis, puis après ça, j'ai traduit le texte, puis je pourrais vous le lire. Des fois, ça fait aucun sens, mais bon. Donc, c'est ça. C'est ça qu'on fait dans ce Lobster-là. On s'amuse avec Suno. Donc, la prochaine, je disais, Fred et son... mon ami Fred, le serpent. On l'écoute. Fred, my pet snake, strong and sleek, brings me joy every day of the week. Slithering through in the garden late, always happy, my best mate. Oh, Fred, you're my strength and glee. Fred, you're the best for me. Oh, Fred, happy as can be. Fred, you're my family. Scales so shiny, eyes so bright, you light up every night. Cuddle close in our home, you're my joy, never alone. Fred n'est pas seulement mon ami le serpent. Fred peut aussi être un ami canard. La prochaine, c'est une chanson en espagnol. Puis que j'ai vu que c'était à mon nom. Puis là, je l'ai écouté. Puis elle sonnait bien. Mais quand j'ai traduit, bon, j'ai vu que c'était une histoire de canard. Puis la traduction, c'est la suivante. C'est « Ceci est l'histoire de Fred, un canard super cool et beau. » Et ça commence ainsi. Depuis tout petit, personne ne l'aimait parce qu'il était beau, yeah! Mais il est devenu homme d'affaires et même ainsi, personne ne l'aimait. Jusqu'à ce qu'il arrive entre mes mains et maintenant, il est parfait comme moi, wouhou! Putain de Fred magnifique, coin coin coin! Putain de Fred magnifique, coin coin coin! Putain de Fred comme je l'aime, il est beau comme le petit casserole. Donc c'est de là que c'est ce qui fait que j'ai passé la soirée à regarder ça. Je m'amusais à regarder les traductions. J'étais juste curieux de voir pourquoi les gens ont écrit ces chansons-là. Un peu comme moi, quand je fais des chansons de chalet, je m'amuse, je mets les choses qui nous touchent, nous, au chalet. Mais là, c'est que les gens les mettent publics. Moi, mes chansons de chalet ne sont pas publiques, là. Mais là, les gens ont l'air à mettre un peu n'importe quoi en ligne. Donc, c'est drôle. Donc, on l'écoute, une chanson de Fred le Canard. De Fred, un pato super genial y guapo. Y así comienza. Desde pequeño nadie lo quería por guapo, yeah. Pero este se volvió empresario y aún así nadie lo quería, hasta que llegó a mis manos y ahora es perfecto como yo. Pinche Fred hermoso, cuac, cuac, cuac, cuac. Pinche Fred hermoso, cuac, cuac, cuac, cuac. Pinche Fred, como lo quiero. Oh, oh, oh, él es guapo como el casuari. Bon, de retour, il en reste deux avec mon nom. La prochaine, c'est Fred de Jupiter. Fred from Jupiter. C'est une chanson, le style, c'est marqué 80s. Une chanson du style des années 80. C'est du up-tempo vocoder voice, dark electro wave gothique. Donc, là, je m'en vais à Jupiter et dans la prochaine, j'irai sur Uranus. Donc, c'est pour ça que c'est la finale. Fred à Jupiter puis Fred à Uranus. Mais Uranus, j'y vais en allemand. Donc, je vous en reparle pour la prochaine. Donc, première, Fred to Jupiter. Running out of gas. The hatch opened. A man jumped out. I looked at him just one second. From Jupiter, The Dream of All Women. Eh oui, c'est-tu pas beau ça? La prochaine, c'est Fred to Uranus. Cette fois, c'est en allemand. C'est là que ça devient drôle. Moi, je fais traduire. J'utilise ChatGPT maintenant beaucoup dans ma vie. Là. Je suis en train de bâtir un jeu de cartes. Puis j'utilise beaucoup ChatGPT pour m'aider à le bâtir. Maintenant, avec la version 4. C'est rendu fort. C'est sûr qu'on ne peut pas l'utiliser beaucoup. Là, on est limité, mais quand même, version 3 de ChatGPT est forte aussi. Donc, moi, je l'utilise pour traduire. Des fois, il traduit mieux que Google Translate. Donc, la chanson Fred d'Uranus, qu'est-ce que ça dit? Ça dit « Fred d'Uranus, le rêve de toutes les femmes. Il vole à travers l'espace avec son vaisseau plein de confiance. Les dames ne peuvent lui résister. Il est le roi du cosmos, le héros de l'ascension. » Aussi beau. Bon, j'oublie pas le reste, là, mais le plaisir, ça va être de l'écouter en allemand. C'est une belle chanson, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, on l'écoute, puis après ça, on passe à d'autres personnes, des amis du Lobster. Fred von Uranus, der Traum aller Frauen. Er fliegt durch das All mit seinem Raumschiff voller Vertrauen. Die Damen können ihm nicht widerstehen. Er ist der Kosmos, König, der Himmel verzählt, ach so schön. Fred vom Uranus mit seinem strahlenden Lächeln. Er bringt die Liebe in die Galaxien hineinschleichen. Die Sterne tanzen, wenn er vorbeifliegt. Ganz tief im Herzen, sie alle ihm ihr Herz anbieten. Oh, Fred vom Uranus. Chansons à mon nom. Et qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu fini avec les chansons à mon nom? Bien, je suis passé au nom des gens de ma famille. Et, ah oui, j'ai été vraiment surpris. Le nom de ma mère est vraiment populaire sur cette application-là. Il y a plein de gens de plein de pays, des jeunes qui utilisent le nom de ma mère pour faire des chansons. Donc, j'ai l'impression que le nom de ma mère est populaire dans plein d'autres pays. Mais bon. Avant d'écouter des chansons au nom de ma mère, le premier que j'ai écouté, c'est mon frère. Mon frère se nomme Alex et, bon, la première chanson qu'on va écouter à son nom, essayez de deviner qu'est-ce que ça dit. Donc, on l'écoute, puis après ça, je vous dis de quoi ça parle. In einem kleinen Dorf namens Lettmafé. Dort wohnt ein Junge, sein Name ist Alex. Er surft das Netz auf einer Bambusleitung mit einem Bier in der Hand, er hat stets Freude. Alex, oh Alex, mit deiner Bambusleitung und deinem Bier, das nie ausgeht. Alex, oh Alex, so voller Leben mit jedem Schluck, den du genießt und den du genießt. Die Nächte lang, die Tage kurz. Alex feiert, er kennt keinen Kurs. Die Bambusleitung ist ein Tor zur Welt. Mit einem Bier in der Hand, der sich gefällt. Alex, oh Alex, mit deiner Bambusleitung und deinem Bier, das nie ausgeht. Alex, oh Alex, so voller Leben mit jedem Schluck, den du genießt, Food, den du genießt. Manchmal denkt er, was wohl wäre, wenn er die Welt auf anderen Wegen erfähre. Doch dann lacht er, trinkt sein Bier, denn für Alex ist das Leben hier. Alex, oh Alex, mit deiner Bambusleitung und deinem Bier, das nie ausgeht. Alex, oh Alex, so voller Leben mit jedem Schluck, den du genießt, Food, den du genießt. Alex, oh Alex. C'était bon, c'était bon. Ça, c'est en allemand. Bon, voici qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson. Dans un petit village nommé Lemath, vit un garçon. Son nom est Alex. Il surfe sur le net avec une connexion en bambou. Avec une bière à la main, il est toujours joyeux. Alex, oh Alex, avec ta connexion en bambou et ta bière qui ne s'épuise jamais. Alex, oh Alex, si plein de vie à chaque gorgée que tu savoures. Les nuits sont longues, les jours sont courts. Alex fait la fête, il ne suit aucun cours. La connexion en bambou s'apporte vers le monde. Avec une bière à la main, il est bien dans sa peau. Mais parfois, il se demande ce qui arriverait s'il découvrait le monde d'autre façon. Mais alors il rit, boit sa bière, car pour Alex, la vie est ici. Voilà, c'est ça que ça racontait. Alex, oh Alex, mit deiner Bambusleitung und deinem Bier, das nie ausgeht. Et voilà, Et pour Alex, il en reste une. La dernière, c'est le rap d'Alex. Je l'ai conservé tout simplement parce que je la trouvais jolie. Et c'est un style différent. Je pense pas qu'on ait écouté de chansons rap depuis le début de l'émission. Donc, on termine pour Alex avec le rap d'Alex. Hey yo, listen up, let me lay it down straight. Got my boy Alex here, but he can't create. Tries to bust some rhymes, he just can't relate. But it's like a joke, it's all broke. Listen up, let me lay it down straight. Got my boy Alex here, but he can't create. Tries to bust some rhymes, he just can't relate. But it's like a joke, it's all broke. Alex can't rap, no flow, no cap. His bars so weak, they just fall flat. Step to the mic, but he's lost in the stack. Sorry, Alex, but all your rhymes are whack. He tries to spit fire, but it's cold as ice. Can't find a beat, man. He's rolling the dice. Got no street cred, no style, no grace. Alex spit fire, it's cold as ice. Can't find a beat, man. He's rolling the dice. Got no street cred, no style, no grace. Step back, step back, no flow, no cap. His bars so weak, they just fall flat. Step to the mic, but he's lost in the stack. Sorry, Alex, but all your rhymes are whack. He tries spit fire, but it's cold as ice. Can't find a beat, man. He's rolling the dice. Got no street cred, no style, no grace. Alex, step back, let the real ones embrace. Alex can't rap, no flow, no cap. His bars so weak, they just fall flat. Step to the mic, but he's lost in the stack. Sorry, Alex, spit rap, no flow, no cap. His bars so weak, they just fall flat. Step to the mic, but he's lost in the stack. Sorry, Alex, but all your rhymes are whack. Bon, après avoir fait mon frère, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là que j'ai tapé le nom. Je suis allé dans Suno. J'ai cliqué sur Explore et j'ai entré le nom Lise. Yeah! Yeah, baby! Yeah. Lise, c'est le nom de ma maman. Et là, ça a explosé. Il y avait tellement de pages que je me suis pas rendu au bout. Je sais pas pourquoi le nom de ma mère est populaire dans les chansons. J'ai été. Là, j'étais comme un peu bluffé. J'étais allé dans. Comme l'affaire de nom, là, Statistique Canada, puis j'ai regardé, le nom de ma mère a été donné 12 fois au cours des 5 dernières années au Québec. Donc, je me suis dit, pourquoi son nom est aussi populaire? Mais là, c'est là que j'ai vu que c'était dans plein de pays. Donc, bon, on commence avec une première. On écoute une chanson pour ma mère. Yo, Liz, dans le quartier, fait parler d'elle. Avec ses coupes qui font tourner les têtes, c'est officiel. Quand elle passe, tout le monde s'arrête, c'est inévitable. Les regards se posent sur elle, c'est presque insoutenable. Proche et salisse, tout le monde est hypnotisé. Elle danse, elle brille, les jaloux sont paralysés. Avec son style et sa classe, elle n'a rien à prouver. Les grosses fesses salisse, c'est son coup. Wow, wow, wow, wow, c'est ma mère, là, les. C'est pas les grosses fesses salisse, là, ça. Non, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, celle-là, on la passe pas. Non. Non, c'est pas ça, une mère. Puis là, j'ai continué, puis j'ai trouvé Lise aime les pastas. Ça, c'est ma mère. Si on écoute, Lise aime les pastas. On n'écoute pas Lise a des grosses fesses, puis elle fait triper le monde. Non, non, non, non. Lise aime les pastas. Vérité, avec ses formes, elle est juste liberté. Grosse fesse, Alice, tout le monde est hypnotisé. Elle danse, elle brille, les jaloux sont paralysés. Lise aime les pastas, le pasta. Avec du bon parmesan. Elle danse dans la cuisine, c'est tous les jours la fête. Les ompalons pas chanteurs, sous le grand ciel étoilé, leur petite voix enchante les ruelles. Lise adore les pastas, elle ne peut pas résister. Les fumées qui l'envoûtent, les épices la font rêver. Dans son jardin secret, des tomates rouges mûrissent. Elle les cueille en riant pour sa sauce mission délicieuse. Suite au pasta de Liz, qu'est-ce que j'ai choisi? La prochaine que j'ai gardée dans la liste, c'est encore un rap. Encore quelqu'un qui déclare son amour à Liz. Il y en a vraiment beaucoup, je sais pas pourquoi. C'est populaire. Le nom de ma mère est populaire, on l'écoute. Celle-là, elle se nomme... Attendez. Reine des formes, Liz. On l'écoute. Yeah, yeah. Liz, écoute ça. Ce rap, c'est pour toi. Reine des formes, on y va. Tous les regards sur toi. Impossible de t'ignorer. C'est ton moment de briller, ton moment de régner. Tourner les têtes avec ton charme divin. Chaque courbe, chaque ligne, tout en toi est fin. Tu redéfinis la beauté, tu éclates les standards. Quand tu entres dans la pièce, c'est toi notre star. Tu as cette confiance, cette force inébranlable. Ton sourire illumine, ta présence est palpable. Les jaloux peuvent parler, les critiques peuvent crier. Toi tu marches la tête haute, tu sais qui tu es. Liz, Liz, la reine des formes. Avec toi tout est plus grand, tout prend forme. Liz, Liz, ton charisme fait des vagues dans ce monde de tempête. Tu es notre phare. Les standards de beauté, tu les fais voler en éclats. Avec tes courbes somptueuses, tu changes les débats. T'es plus qu'une apparence, t'es un symbole de force. Chaque regard posé sur toi ressort grand et féroce. Ton allure, ton swag, ta manière de marcher font de toi une légende, une icône à respecter. Dans chaque regard, dans chaque murmure, on sent ta puissance, ta grâce et ta culture. Liz, Liz, la reine des formes. Avec toi tout est plus grand, tout prend forme. Liz, Liz, ton charisme fait des vagues dans ce monde de tempête. Tu es notre phare. Les critiques, les jugements, tu les laisses derrière. Toi tu avances, inarrêtable, pleine de lumière. Ton corps est un temple, ton esprit un océan. Liz, tu es une affiche comme une reine en firmament. Liz, Liz, la reine des formes. Avec toi tout est plus grand, tout prend forme. Liz, Liz, ton charisme fait des vagues dans ce monde de tempête. Tu es notre phare. Alors lève-toi Liz et prends ta couronne. Tu es la reine des formes, celle qu'on vénère et qu'on prône. Ce rap est pour toi un hommage à ta grandeur. Liz, tu es notre étoile, notre reine, notre cœur. Notre cœur. Notre cœur. Notre phare. Notre phare. Les standards de beauté. Notre forme. À ta grandeur, Liz, tu es notre étoile, tu es notre phare, tu es notre phare, tu es notre phare, tu es notre phare. Bon, encore des chansons au nom de ma mère. La prochaine se nomme Liz Askishin. La chanson, c'est du New Wave Pop. Celle-là, je l'ai choisie parce que je trouvais le beat vraiment, vraiment bon. Je l'ai fait traduire, c'est en turc, puis la traduction, le couplet, c'est « Tes yeux brillent sur mon chemin, quand tu souris, le monde s'arrête-t-il. Mon amour de lycée, tu es toujours ici, avec ton amour éternel à mes côtés. » Où est-ce qu'il parle de Liz? En tout cas, ils le disent à quelque part. Mais gros, en gros, c'est encore quelqu'un qui déclare son amour, ou qui se rappelle son amour de lycée, qui était Liz. Donc on l'écoute, celle-là, parce que ça sonne bien. Pour clore avec le nom de ma mère, parce qu'on pourrait passer la soirée là-dessus. On pourrait passer l'émission du Lobster, vu qu'il y avait des pages et des pages de chansons pour Liz. Et pour la dernière, j'ai quand même trouvé une chanson québécoise qui a été créée pour ma mère. le 23 juin à 18h37 par Max Québec. Et ça s'appelle « Le gaz de Lise ». Je pense que c'est une chanson qui a été créée pour la fête de la Saint-Jean. Donc, on termine avec le nom de Lise avec cette chanson. On l'écoute. Dans les rues du Québec, c'est la fête nationale. On sort les drapeaux de notre cœur animal. Avec le gaz à Lise, on se dandine. En criant bien fort sur l'air de Bob Épine. Les pavés résonnent, les voix qui s'éveillent. La vague est unique, c'est le jour des merveilles. Tantôt on danse, tantôt on rit. Les pieds s'effleurent, tout ce qu'on chérit. Oh yeah, Québec c'est la folie. Les armes en fête, c'est comme du heavy duty. Reste pas en arrière, viens plonger dans le courant. Parce qu'ici c'est chez nous. Bon, ensuite je suis passé à mon papa. Mon papa, son nom c'est Rodrigue. Et quand j'ai tapé Rodrigue, j'ai vu que c'était un petit peu moins populaire. Mais Rodrigue est très populaire en espagnol. Rodriguez. Mais quand même, j'ai décidé de rester quand même sur Rodrigue. Et bon, ça a donné notre première chanson style metal sera avec le nom de mon père. C'est pas son style de musique, mais bon. Son nom se retrouve dans cette chanson. C'est l'histoire d'un club de moto qui sème la terreur. On l'écoute, le nom de la chanson. Attendez, je clique, ça s'appelle Mayans Apocalyptic. On l'écoute. Les Mayans de Santo Padre, dans l'ombre, ils glissent sans regret. Le président, c'est Orwell, le vice-président, Rodrigo Cicruel. Allô, sentence la terreur, zombie apocalypse, la douleur. Un club violent et respecté, personne n'ose les affronter. Roux qui tourne, le feu y arrache. Les Mayans sont en voyage, gardiens des rues remplies de sang. Parmi les zombies toujours gagnants, des moteurs rugissent dans la nuit. Le chaos sur chaque sentier. Bon, moi j'ai bien aimé cette chanson quand même, mais bon, c'est pas le style de mon père. Donc, je lui ai trouvé une belle chanson, une chanson qui s'appelle L'étoile montante. Une chanson en plus qui semble chantée par Pierre Lapointe. La voix qu'on entend dans cette chanson-là au piano est vraiment jolie. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je trouvais que ça allait mieux avec le nom de mon père. Donc, on l'écoute, leur chanson L'étoile montante. Rodrigue jeune et brillant, sénateur, député si vaillant, travailleur au cœur vaillant, talent caché si éclatant, nuit blanche j'ai jour ardent, bilan exceptionnel éblouissant, à la hauteur de son rang, mais personne ne le voit vraiment. place que l'avenir lui réserve pour sourire. L'étoile monte sans faiblir, son éclat va s'unir. Peu de reconnaissance ici, mais le destin suit sa vie. Il brille avec ses envies, jamais il n'abandonne ses plis. Le travail dur à cœur ouvert, pour un avenir tout ouvert. Les défis il les soulève, avec courage et sans trêve. On verra ce que l'avenir lui réserve pour sourire. L'étoile monte sans faiblir, son éclat va s'unir. On verra ce que l'avenir lui réserve pour sourire. L'étoile monte sans faiblir, son éclat va s'unir. Après mon papa, qu'est-ce que j'ai cherché? J'ai cherché ma belle-sœur. Ma belle-sœur se nomme Julie. Il y avait plein de belles chansons. Et malheureusement, j'ai choisi une chanson qui dure 25 secondes. Les chansons de moins de 30 secondes, c'est comme des erreurs dans le logiciel. Quand ça plante, ils nous remboursent nos crédits, là, parce qu'on a un certain nombre de crédits qu'on peut utiliser par jour. Puis ça s'accumule. Moi, je suis rendu que j'en ai beaucoup, là. C'est un conseil que je peux vous donner. Ouvrez-vous un compte sur Suno, même si vous n'y allez pas. Les crédits s'accumulent, puis quand tu as le goût de jouer avec, ben tu as plein de crédits. Tu peux faire... Ça coûte 10 crédits par deux chansons. Moi, j'ai 330 crédits. Je peux faire comme 33 chansons. Puis chaque jour, je pense que ça rajoute 50 crédits. Donc, moi, je m'amuse quand même assez souvent dedans, là, mais en bon. Bref, ce que je voulais dire, c'est créez-vous un compte pour que les crédits s'accumulent dedans pendant que vous n'êtes pas là. En fait, moi, j'ai deux comptes avec deux adresses mail, donc ça s'accumule dans deux comptes. Qu'est-ce que je disais? Oui, une chanson pour Julie, une chanson qui dure seulement 25 secondes, une chanson qui fait aucun sens, les paroles, c'est bizarre, mais c'est ça. C'est pour ma belle-sœur. Ma belle-sœur, Julie. Julie, Julie, pose cette bouteille, Julie, pose cette bouteille. Un marus, pose cette bouteille, mange la pastel de nata. Et pose cette bouteille qui fait tourner la manivelle. Elle enroulait, déroulait, elle enroulait, déroulait, elle déroulait. Voilà, c'est ça pour la chanson de Julie. Mais en fait, je pense que c'est pas une erreur. Je réfléchissais là, pendant que la chanson jouait. C'est au début du logiciel, c'était compliqué de générer des chansons. Quand je vous l'ai expliqué pour la première fois, quand c'était dans les premières versions de ce logiciel-là, on fonctionnait par bout de 30 secondes et quand on étendait la chanson, ça devenait compliqué. Il fallait enlever les paroles, rajouter les paroles pour le nouveau bout. Donc, c'était vraiment pas intuitif. Puis, ils ont tout corrigé ça dans les versions subséquentes. Maintenant, quand tu écoutes la chanson, t'as plus besoin. Tu mets toutes tes paroles d'un coup et tu pourrais y dire « je veux juste 2 minutes ». Puis dans ce temps-là, il jouera pas toutes tes paroles s'il y en a trop, mais disons que tu veux les faire jouer au complet, ben là, il va s'étendre automatiquement jusqu'à 5 minutes. C'est sûr que passé 2-3 minutes, il va te recharger 10 crédits, mais tu as le choix d'arrêter ou pas, mais c'est rendu vraiment plus facile. Donc la chanson qu'on vient d'écouter là, de Julie de 30 secondes, qui faisait pas de sens, je crois que c'est justement, ça a été généré... par les versions antérieures, parce qu'ils mettent des tags, là. Celui-là, aucun tag, puis moi, les chansons que je génère, je pense que le tag, c'est marqué 3.5, la version. Donc voilà, c'est ça l'explication, je crois. Maintenant, on passe à d'autres personnes, on est rendu à passer aux amis. Bon, j'ai pas une tonne d'amis, mais j'ai des bons amis. Donc, on écoute une chanson au nom d'un de mes amis. Je vous laisse deviner le nom de c'est quel ami, puis ensuite, je vous parle de la chanson. On l'écoute. Esta es la canción de un mi cuate que se llamaba Joaquín. Martín, Martín era hombre pequín, chingaba y chingaba hasta que lo pusieron en un boletín. Martín, Martín, con boca de fuego, dijo una palabra mala y su novia dijo hasta luego. Y ay, Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Martín, Martín, pobre y sin compañía, se encontró comiendo semillas ricas, encarcelado con agua sucia y sin jamón. El Martín murió feliz, yo la lo. Martín, Martín, pobre y sin compañía, se encontró comiendo semillas ricas, encarcelado con agua sucia y sin jamón. El Martín murió feliz, yo la lo. Martín, Martín, era hombre petit. Et oui, c'était une chanson au nom de mon ami Martin. La traduction de cette chanson est quand même assez comique. La chanson dit en espagnol « Martin, Martin, c'était un homme de Pékin. Il embêtait jusqu'à ce qu'on le mette dans un bulletin. Martin, Martin, avec une bouche de feu, il a dit un gros mot et sa copine a dit « À plus tard ». Ah, Martin, pas de doute, on chante aussi la douleur quand on ne peut pas pleurer. Martin, Martin, pauvre et sans compagnie, il s'est retrouvé à manger de délicieuses graines enfermées avec de l'eau sale et sans jambon. Martin est mort heureux et tout seul. Voilà! Moi, je l'ai choisi, cette chanson-là, parce que je trouvais que ça sonnait bien. La prochaine... C'est encore une chanson au nom de Martin. Bon, je suis perdu dans mes choses. On l'écoute, puis au retour, j'en parle. Ah! Found. Ah, ça c'était une belle chanson, le beat est beau. Puis qu'est-ce que ça raconte? Bon, c'est en anglais, vous avez probablement traduit dans votre tête, mais en gros, ça raconte l'histoire de deux amis qui se sont suivis au travail, qui ont travaillé dans des boîtes IT, qui ont travaillé chez Amazon, et qui ont toujours... Il y en a un qui raconte que Martin a toujours été son ami fidèle. Donc voilà, c'est un peu ça l'essence de la chanson. La prochaine, je l'ai choisie pas parce qu'elle est belle. Non, c'est une chanson qui insulte quelqu'un. Donc, quand ça va commencer à se mettre à insulter, là, je l'arrête. Là, on n'est pas là pour ça. Dans le Lobster. Non, ici, on rit des nains et c'est tout. Non, pourquoi j'ai choisi cette chanson-là? C'est pour vous montrer que quand on utilise Suno et qu'on choisit pas de style, parfois Suno, bon, elle déraille pas, mais elle nous montre qu'elle copie vraiment. Je vais vous faire entendre, c'est une chanson qui s'appelle « Around Martin », « Autour de Martin ». Et cette chanson, le début est une copie de la chanson « Around the World » de Daft Punk. Donc, en premier, je vous fais écouter la chanson de Daft Punk et tout de suite après, je vous fais écouter « Around Martin », là, juste le début, là, avant que ça se mette à dérailler, juste pour vous montrer que c'est quasiment pareil. Donc, bon, malheureusement, moi, j'aime ça écouter Suno, mais bon, on sait que Suno, pour se bâtir une banque de sons qu'elle utilise, puis tout ça, ben, l'intelligence artificielle est allée piger dans les chansons des auteurs là, sur Internet, des chansons qui probablement n'étaient pas libres de droit. C'est comme ça, bon, il y a beaucoup de plaintes envers l'intelligence artificielle, mais bon, qu'est-ce qu'on y peut faire? Je ne sais pas. Moi, j'aime ça utiliser l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses. Quand on lit les nouvelles, là, oh là là. Cette semaine, il parlait de quoi? Il parlait de Clearview. Ils en ont déjà parlé dans les nouvelles. C'est une compagnie, justement, qui a utilisé l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense qu'ils ont tous téléchargé les photos des sites, les photos qui étaient en ligne puis qui étaient disponibles sur les réseaux sociaux. Puis ils se sont bâtis une grosse banque de données qui peut être utilisée pour la détection faciale. T'sais, ils peuvent rentrer une photo de quelqu'un. La police, disons, pourrait utiliser ça, chercher la photo de quelqu'un là-dedans et dire « Oui, c'est lui, c'est... » Bon, l'intelligence artificielle, il y a du bon, il y a du mauvais, mais bon, nous, on l'écoute pour le plaisir. Mais là, c'est le moment d'écouter une chanson qui semble être copiée de Daft Punk. Puis justement, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les autres qu'on a écoutées juste avant, il y en a une que moi j'ai remarqué qui avait copié des riffs de Mylène Farmer, une des chansons qu'on a écoutées. Et il y avait une autre chanson aussi qui copiait d'autres choses. Mais j'ai pas été capable de trouver le nom. Là. Celle de Mylène Farmer, je l'ai reconnue, mais pas l'autre. Mais je sais que c'était copié aussi. Donc là, gars, ça fait quoi? 10 chansons qu'on écoute, puis j'ai réussi à identifier 3 là, que c'est copié quasiment tel quel là, la musique de d'autres chansons. Donc on écoute les preuves que j'ai découvertes. Une copie quasiment pareille. On écoute. La chanson générée par l'intelligence artificielle. Voilà, moi je trouve que c'est quand même pareil, c'est quand même semblable, mais c'est pas grave, on passe à autre chose. Prochain ami, mon ami Étienne, et je crois que c'est la première chanson techno qu'on va entendre ce soir. Donc, on écoute la chanson se nomme Étienne le survolté, techno style, c'est le style, on l'écoute! Étienne débarque, prêt à tout casser. Dans son poche, c'est comment s'amuser. Dans les lumières de la nuit, il se perd, son âme noyée dans la fumée. Dans les festivals techno, il est comme chez lui. Sous les basses qui font vibrer une souris. Presque un coma, éthylique dans une remorque. Devant Julie, il veut bien baisser son froc. Et Étienne, le survolté, se relève encore. Bon, celle-là, je la réécoute, puis je suis pas sûr que je l'aime encore. Bon, c'est pas grave. Mais pour Étienne, je n'avais une autre que celle-là. Bon, ce qu'elle avait de particulier, c'est la chanson, c'est « Je m'appelle Étienne ». C'est l'histoire d'une personne qui va à son premier cours de français. Puis dans le cours, dans les paroles de la chanson, bon, c'est tout en anglais, puis à un moment donné, la personne à son cours a dit « Je m'appelle Clara, je m'appelle Christian, je m'appelle Étienne, non, non, non ». C'est ça le sujet de la chanson, c'est quelqu'un qui a fait une chanson en fonction, non, en l'honneur de son premier cours de français qu'elle a eu dans une école. Donc, puis cette personne-là, elle a généré la chanson plein de fois, ça lui a coûté plein de crédits, elle l'a généré avec en country, en plein de styles, puis moi j'ai choisi le style Dark Wave. J'ai écouté tout ce qu'elle avait généré, puis bon, c'est celle-là que je préférais. Donc, on l'écoute, une chanson, Je m'appelle Étienne. C'est terminé avec Étienne et il me reste un de mes amis, il me reste Nicolas. Mais avant de passer à Nicolas, bon, j'ai dit qu'on ferait aussi les utilisateurs qui se sont abonnés à la page du Lobster. Ben, on les fera pas toutes, là, mais quand je suis allé voir, bon, je vous ai dit tantôt que Nicolas Bernard, c'était la dernière personne qui s'est abonnée à la page. Donc, lui, Nicolas Bernard va avoir sa chanson. Mais avant, j'ai dit, on va regarder plus loin. Et là, je suis allé plus loin. Non, je ne suis pas allé plus loin. Je suis allé dans la page, j'ai essayé de trouver qui est abonné. C'est pas évident. La page Facebook pour les compagnies ou pour les sites là, qui c'est pas des pages personnelles, il y a comme un tableau de bord incompréhensible. À chaque fois, j'essaie de trouver qui est abonné, j'abandonne. Et là, bon, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai pu voir la moitié de ma liste et j'ai vu que qui suit le Lobster? Eh bien, le restaurant, le grillé suisse fondu et raclette. Bon, évidemment, sur Suno, il n'y a pas de chanson pour le restaurant. Le grillé suisse fondu et raclette qui suit le Lobster, c'est quand même impressionnant. Un restaurant qui, je ne sais pas trop qu'il est où, mais en tout cas, ce restaurant, il nous suit, et je me suis dit pourquoi ne pas lui bâtir sa chanson. Je suis allé sur le site du grillé suisse fondu et raclette, j'ai cliqué notre histoire, et il y a un beau texte qui explique l'histoire de ce restaurant du Québec. Donc, j'ai sacré ça dans Suno, les paroles, et on écoute la chanson. Le grillé suisse fondu et raclette. Vous allez tout savoir, sauf son numéro de téléphone. J'ai oublié de le dire. Si jamais, suite à la chanson, vous avez le goût d'aller manger au restaurant le grillé suisse fondu et raclette, eh bien, vous pouvez réserver au 450-228-1465. Bienvenue au restaurant Le vide suisse fondé Héraclète, où l'histoire rencontre la gourmandise au cœur de la région des Laurentides au Québec. Entrez dans notre charmant espace historique, où chaque recoin murmure des histoires d'époque révolue, des poutres en bois rustiques ou luminaires. Plongez-vous dans l'ambiance du charme d'antan et des délices culinaires. Au gris suisse, nous nous spécialisons dans l'art de la fondue et de la raclette, offrant une gamme alléchante de fromage et de viande, méticuleusement conçue pour éveiller vos papilles et réchauffer votre âme. Recette s'inspire du riche patrimoine culinaire de la région, en utilisant uniquement les meilleurs ingrédients locaux pour garantir une expérience culinaire authentique et inoubliable. Que vous vous réunissiez entre amis, célébriez une occasion spéciale, que vous ayez simplement envie d'une soirée agréable, notre atmosphère accueillante et notre service attentionné sauront vous faire sentir comme chez vous. Alors venez nous rejoindre et embarquer pour un voyage à travers le temps et les saveurs au restaurant, le gris suisse fondu Héraclète. Offrez-vous l'élégance intemporelle d'un repas de fondu et de raclette au milieu de la beauté historique des Laurentides. Réservez votre table dès aujourd'hui et laissez-nous vous transporter dans un monde où chaque trempette est une délicieuse aventure. Prochaine chanson, une chanson pour notre lobster Nicolas Bernard et la chanson Mon ami. Yeah. C'était un jour comme un autre dans ce boulot banal. J'ai croisé ton regard, on est devenu potes et magistral. Entre les heures de taf et les pauses café, des discussions sans fin, des projets échafaudés. Nicolas, mon frère, t'es plus qu'un simple collègue. On a gravi des montagnes, traversé des allées. Dans ce monde de travail, t'as été mon soutien. T'as cru en moi même quand j'étais dans le déclin. Nicolas, c'est toi, mon ami fidèle. Depuis le premier jour, t'as été essentiel. Dans les hauts, les bas, on a gardé le contact. T'es mon frère de cœur, notre amitié est intacte. On a quitté ce job, mais notre lien est resté. Des rires, des soirées, des moments partagés. Chaque instant passé avec toi, c'est du bonheur. T'es là quand ça va, t'es là dans la douleur. Les souvenirs s'entassent, les anecdotes défilent. Des aventures en folie, des rêves qu'on compile. T'as toujours été là, même à distance. Un frère de cœur, t'es ma plus grande chance. Nicolas, c'est toi, mon ami fidèle. Depuis le premier jour, t'as été essentiel. Dans les hauts, les bas, on a gardé le contact. T'es mon frère de cœur, notre amitié est intacte. On a quitté ce job, mais notre lien est resté. Des rires, des soirées, des moments partagés. Chaque instant passé avec toi, c'est du bonheur. T'es là quand ça va, t'es là dans la douleur. Les souvenirs s'entassent, les anecdotes défilent. Des aventures en folie, des rêves qu'on compile. T'as toujours été là, même à distance. En frère de cœur, t'es ma plus grande chance. Nicolas, c'est toi, mon ami fidèle. Depuis le premier jour, t'as été essentiel. Dans les hauts, les bas, on a gardé le contact. T'es mon frère de cœur, notre amitié est intacte. Ce job, mais notre lien est resté. Des rires, des soirées, des moments partagés. Chaque instant passé avec toi, c'est du bonheur. T'es là quand ça va, t'es là dans la douleur. T'es ce rock sur lequel je peux m'appuyer. Dans ce monde incertain, tu m'as jamais laissé tomber. Nos vies avancent, mais notre amitié perdure. Pour toi, mec, je ferai tout, t'as ma parole pure. Au boulot, mais c'est bien plus que ça. Et voilà, à jamais, mon frère, c'était pour Nicolas. Et maintenant, pour conclure, et oui, je pense qu'on va conclure ce lobster en beauté une chanson pour mon dernier ami, qui lui aussi se nomme Nicolas. On va lui faire jouer la chanson Nicolas and his pet. C'est une histoire très touchante. C'est l'histoire de Nicolas et de ses deux cochons d'Inde, Cinnamon et Olaf. Donc, pour mon ami Nicolas, une chanson de cochon d'Inde. Pour terminer ce Lobster, bon, je devais vous faire jouer Titoto dans son bateau avec son affaire de barbu, mais bon, je pense qu'on va laisser faire. Ça sera pour le prochain Lobster. J'ai passé aucun de mes sujets. J'ai plein de sujets que j'ai mis de côté pour le prochain Lobster. Celui-ci, bon, il est consacré à l'intelligence artificielle de Suno. Donc, ça ira dans le prochain pour Titoto. Ça va être plus approprié. Donc, on termine ce Lobster avec la chanson pour mon ami Nicolas. Nicolas in the yard, with guinea pigs by his side, Cinnamon and Olaf on a joyful ride. Luna barking loud, Nicolas laughs out, chasing all around in a happy shout. Oh, Nicolas, you know, with your pets by your side, Cinnamon and Olaf in a world behind. In the wind. Oh, Nicolas, you know, with your pants by your side, Cinnamon and Olaf in a world they hide. Oh, Nicolas, you know, with your pants by your side, Cinnamon and Olaf in a world they hide. Holds them tight, Cinnamon and Olaf till the morning light. Oh, Nicolas, you know, with your pants by your side, Cinnamon and Olaf in a world they hide. Oh, Nicolas, you know, with your pants by your side, Cinnamon and Olaf. Le champignon orange, dans une danse. T'es pas un homard, mais tu ligues le show. L'obstacle nous guide et on se laisse aller trop. Ton rythme bat, on ne peut résister. Le lobster, c'est lui qu'on veut écouter. À travers les ondes, dans chaque recoin, t'es l'écho qui brille et on y va sans fin. Lobster, ça c'est toi le roi des podcasters. Tu nous prends, dans ton rythme, on ne s'échappe pas. Lobster, tout son éclair au monnier. Qui résonne dans la nuit, un champignon qui fait danser l'infini. Le monde digital t'appartient, c'est vrai. Tu prends le contrôle et tout le monde te suit. Dans la foule des voix, t'es l'unique son. Ton flow, ton beat, c'est la connexion. Lobster, t'es l'onde qui nous capte tous. On se branche à toi et on suit ta route. Lobster, c'est toi le roi du podcast. Tu nous prends dans ton rythme, on ne s'échappe pas. Lobster, ton son éclaire, on en est. Dans cet océan de vie. l'attention qu'on attendait. Le lobster toujours prêt à danser. Orange et brillant, dans les airs tu voles. T'es le roi du son, tu joues ton propre rôle. Lobster, c'est toi le roi du podcaster. Tu nous prends dans ton rythme, on ne s'échappe pas. Lobster, ton son éclaire nos nuits. Dans cet océan de voix, c'est toi qui brilles. Qu'on attendait. Le lobster toujours prêt à danser. Orange et brillant, dans les airs tu voles. T'es le roi du son, tu joues ton propre rôle. Ooh, lobster. Ooh, lobster, c'est si toi le roi du podcaster. Tu nous prends dans ton rythme, on ne s'échappe pas. Lobster, ton son éclaire nos nuits. Mas o só ele parece um casco de urubu. Para de fazer música que eu não vou te pagar. Te pagar. Ele lele. Então vamos na bicha. Ele lele lele lele lele lele lele. Cascuda do carai, casco de urubu. Les auteurs qui en foutent, les assiettes qui chantent.